L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, notre émission sur l'apostrophe, l'émission de ce 14 octobre 2015 aura pour invité en studio François Verret, chorégraphe et metteur en scène en résidence à l'apostrophe, pour nous présenter, c'est bien, c'est la poursuite de son travail, mais cette fois-ci ça s'intitule « Dedans, dehors ». Deuxième, je ne sais pas si on dit deux, il va nous préciser cela en studio tout à l'heure. Elisabeth Boss, secrétaire générale de l'apostrophe et programmatrice de la programmation. Jeune public, public jeune, je crois qu'on peut dire les deux, elle nous précisera tout cela. J'ai vu qu'il y a un programme très complet pour les jeunes publics, jeunes auditeurs, et les parents seront certainement intéressés. Virginia Pipart, professeure de lettres au collège Voltaire de Sannois, elle a suivi et elle suit toujours les chantiers de François Verret, dont il sera question au cours de cette émission. Enfin, un invité par insert téléphonique, par Phoneur, comme on dit sur les antennes de radio, Yom, compositeur, musicien en résidence à l'apostrophe pour ses différents projets 2015-2016, et il va nous mettre en appétit de musique avec un spectacle qui sera très prochainement à l'affiche, Le silence de l'Exode, le vendredi 6 novembre prochain. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement à l'affiche. Alors, on va commencer cette interview avec Yom, artiste en résidence à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Yom, si j'ai bonne mémoire, ça a une définition en hébreu. Oui, tout à fait, ça veut dire jour. Ouais. Le jour. Ça veut dire jour en hébreu et en arabe d'ailleurs. Et en arabe. Ouais, voilà. J'ai pris ce nom parce que c'est une partie de mon prénom originel et puis... J'avais envie, étant donné les origines juives de ma mère, qui évidemment n'apparaissent donc pas dans mon nom de famille, de judaïser un peu mon nom de scène, puisque quand même toute la musique que je fais tourne de près ou de loin autour de la musique juive. Voilà. Deux passions. La première, et ça de manière très précoce, la musique. Vous êtes tombé dans la marmite musicale. Ouais, c'est vrai que... Dès l'âge de 4 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, après, bon, vraiment, la clarinette, on va dire que c'était plutôt 5 ans, mais déjà tout petit, ouais, j'écoutais énormément de musique. Mes parents étaient très mélomanes, donc j'ai eu la chance d'écouter beaucoup de musique dès tout petit. Je crois que j'ai commencé l'éveil musical peut-être à 2 ans, et puis voilà, à 5 ans, j'ai commencé la clarinette. Ouais. Chemin faisant, vous avez grandi, et très vite, vous avez été touché par une deuxième passion, en lien avec la première, mais cette fois-ci, le klezmer. Ouais, c'est ça. En fait, ça a commencé très tôt. Vers 6-7 ans, j'ai commencé à écouter un clarinettiste klezmer magnifique, qui est toujours une de mes idoles, qui s'appelle Gyura Feidman. Et puis, j'ai découvert ça à 6-7 ans, mais sans avoir aucune idée qu'un jour, peut-être, je jouerais de la musique klezmer moi-même. Et puis, au fur et à mesure de mon parcours classique, j'ai de plus en plus écouté de klezmer, mais en me disant que c'était quand même une musique de plus en plus éloignée de ce que je faisais, moi qui jouais plutôt du Mozart et du Brahms. Et puis, un jour, à l'âge de 17 ans, vraiment par le plus grand des hasards, j'ai dû remplacer un clarinettiste qui était parti d'un groupe qui s'appelait l'Orient Express Moving Schnorrers. Et là, ça a été voilà le début d'une nouvelle vie musicale qui m'a fait d'ailleurs rapidement arrêter la musique classique et je me suis consacré entièrement à la musique klezmer. Ouais. L'année dernière, c'était à l'affiche du Festival de Jazz au Fil de l'Oise 2014. Nous avions découvert la création Back to the Klezmer. Cette année, vous nous proposez d'ailleurs toujours cette fois-ci en ouverture de ce même Festival Jazz au Fil de l'Oise 2015, mais à l'affiche de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise, Le silence de l'Exode. Est-ce que c'est une suite, est-ce que c'est un prolongement de cette création que j'évoquais, Back to the Klezmer? Alors c'est un projet non qui est quand même très très différent, parce que Back to the Klezmer, justement, c'était une volonté pour moi de retourner au racines du klezmer à un klezmer traditionnel et de le confronter aux autres musiques d'Europe de l'Est. Donc on était vraiment du côté de quelque chose d'assez festif, très virtuose et qui s'appuyait vraiment sur la tradition musicale juive d'Europe de l'Est. Alors que là, avec le silence de l'Exode, c'est un travail en gros sur la sortie d'Égypte du peuple juif, donc il y a à peu près 3500 ans. Et donc c'est un travail qui va beaucoup plus du côté des musiques orientales, des musiques du Moyen-Orient, et qui va plutôt chercher dans quelque chose de beaucoup plus ancestral, beaucoup bien avant que la communauté juive se retrouve en Europe de l'Est, et qui essaye d'aller voilà, puiser aux racines, pas seulement d'ailleurs de la musique juive, mais carrément de quelque chose peut-être de plus généralement humain. Et voilà, c'est pour moi, c'est vraiment un travail très très profond et qui s'éloigne de la pure musique klezmer pour aller vers une musique qui soit à la fois juive, orientale, moyenne-orientale, avec quelques petits d'ailleurs détours du côté du Maghreb, et aussi des grandes influences du côté de la musique classique et de la musique répétitive, puisque c'est quand même quelque chose qui a bercé ma vie et alimenté mon travail pendant plus de 15 ans. Une forme de relecture du mythe fondateur du peuple juif, version musicale ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, avec vraiment une volonté pour moi de ne pas le réduire uniquement, vu qu'il n'y a pas de parole, donc je ne reprends pas non plus texto l'Ancien Testament et le livre de l'Exode. Une volonté pour moi de peut-être parler plus généralement de l'Exode, qui malheureusement reste quelque chose quand même, on le voit actuellement, qui reste quelque chose d'encore très partagé de par le monde et de très actuel. Voilà. Vous êtes entouré par d'excellents musiciens, eux-mêmes très inspirés et finalement aussi chargés de culture l'un comme l'autre. Tout à fait, ouais. Alors il y a Claude Chamichian à la contrebasse, qui est alors assez connu dans le monde du jazz contemporain. C'est un des grands contrebassistes de jazz contemporain en France, mais qui a en même temps une culture de la musique arménienne, puisqu'il est lui-même d'origine arménienne, et donc qui a joué avec des musiciens traditionnels arméniens. Donc il a vraiment cette double culture qui m'importe. Il y a Bijan Chemirani aux percussions persanes, donc qui est voilà à la fois détenteur par l'intermédiaire de son père d'un savoir ancestral de musique persane traditionnelle, voire de musique classique persane. Donc c'est vraiment une musique très complexe, très développée, très technique, sur les percussions qui sont le zarb, le daf et le bendir, mais qui en même temps s'est retrouvé à jouer avec Sting, avec des compositeurs plus qui peuvent se situer de ce qu'on appelle les musiques actuelles. Donc pareil, qui a vraiment une double culture entre culture de son père et de tous ses ancêtres, et puis ce côté plus moderne des musiques actuelles occidentales. Et enfin Farid Bey au violoncelle, qui lui carrément pris de perfectionnement du CNSM de Paris en musique vraiment classique au violoncelle, mais qui en même temps a joué avec Bachung ou Brigitte Fontaine ou Higelin, et en même temps qui connaît extrêmement bien au violoncelle tous les modes orientaux, notamment musique du Maghreb, le quart de ton parfaitement maîtrisé. De temps en temps il retourne le violoncelle et il en joue avec un plectre comme Ben Oud. Donc voilà, c'est que des gens qui ont à la fois un regard tourné vers le passé, vers vraiment une tradition, ce qui est quelque chose d'assez important pour moi, et en même temps vers soit l'Occident, soit la musique classique occidentale. Enfin vraiment voilà, un espèce de pont entre ces deux mondes qui me paraît assez important, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire moi depuis longtemps musicalement et dans la composition. Oui, comme je disais, les uns les autres chargés eux-mêmes d'une culture musicale très riche. Le silence de l'Exode, donc, c'est à voir et à entendre le vendredi 6 novembre. C'est en concert d'ouverture du festival Jazz au fil de l'Oise 2015. Ça se produira à la Maison de Lille à Auvers-sur-Oise, donc en partenariat avec l'apostrophe, la scène nationale de Sergi Pontoise. Si j'ai bonne mémoire, il y a un disque qui existe. Il est fidèle au live ? Ah oui, c'est même peut-être le disque le plus fidèle au live que j'ai jamais fait, puisque cette pièce, Le silence de l'Exode, c'est une pièce qui dure à peu près une heure ininterrompue. et qui est joué vraiment de manière acoustique. D'ailleurs, des fois, on le joue quand c'est des salles qui le permettent, on le joue même sans sono et sans micro. Et quand on l'a enregistré au studio, j'ai tenu à ce que ce soit exactement fait de la même manière, joué de la même manière comme si c'était un live, et enregistré comme si c'était un live, c'est-à-dire sans coupure. Et donc, en gros, on était 2 jours en studio, et pendant 2 jours, on a fait, peut-être on l'a joué 4 fois dans son intégralité, la pièce d'une heure. Et puis ça demande quand même une grande énergie, donc faut un peu se reposer entre chaque. Et puis voilà, j'ai gardé la meilleure des quatre. Voilà, c'est vraiment j'ai tenu à garder ce son extrêmement live. C'est à part évidemment les parties improvisées qui sont différentes à chaque fois, mais sinon c'est vraiment l'image exacte du concert. Ouais. Autre actualité que vous aurez au cours de la saison 2015-2016, je crois que d'ailleurs le titre a changé entre temps, le Yiddish Cowboy, Song oui. for the Old Man, oui. Là, nouveau répertoire, c'est une véritable épopée dans le Far West. Qu'est-ce qu'il vous, comment associer votre passion musicale, comme on vient d'en parler, avec le Far West, avec l'univers de la country, du bluegrass, du blues, de la folk? Ouais, ben alors ça c'est un tropisme que j'ai depuis longtemps. J'ai toujours adoré les musiques américaines traditionnelles qu'on connaît d'ailleurs beaucoup moins bien ici, parce que pour nous les États-Unis c'est plutôt souvent hein, le jazz, le blues, et on écoute assez rarement du côté de chez nous vraiment le folk, la country, etc. Il y a des choses très très intéressantes. Alors effectivement le projet a un peu changé, parce qu'au départ ça s'appelait vraiment Yiddish Cowboys, et puis il y avait quelque chose d'un tout petit peu caricatural du côté vraiment cowboy et avec une volonté vraiment de reproduire des sons country ou bluegrass, et ça s'est transformé en Songs for the Old Man. C'est devenu plus un recueil de folk songs. Voilà, je l'entends un peu comme ça maintenant, ce projet, un recueil de folk songs, parce que tout simplement c'était un autre pan d'histoire familiale du côté de mon père qui vient du nord de la France. Il se trouve que lui aux alentours de ses 15 ans en 1952, il s'est retrouvé à partir aux États-Unis pendant 8 ans dans des coins assez éloignés comme le Wisconsin et le Massachusetts et voilà, d'autres régions qui sont pas, on va dire, Los Angeles ou New York, dans les années 50, et il est resté là-bas 8 ans, il est revenu, et tout ça a pas mal bercé mon imagination d'enfant. Et donc j'en ai fait une espèce de petite épopée comme ça, en réimaginant totalement loin de la réalité l'histoire paternelle, et j'en ai fait un petit recueil de folk songs qui sont un peu les errances comme ça d'un vieux cow-boy tranquille sur son cheval qui s'arrête par-ci par-là au détour d'un paysage dans les grandes steppes de l'Amérique pour sortir son banjo et chanter une petite chanson. Voilà. En plus, il y a, je sais pas si on peut parler de parallèle quasi évident entre les chansons yiddish, le côté nostalgique des chansons yiddish avec les ballades des cow-boys qui sont marquées elles-mêmes par de la nostalgie. Je crois que l'errance et le déracinement, c'est peut-être le point commun. Exactement. Pour moi, c'est là que ça se situe, et je me suis rendu compte que bah voilà, je suis un peu monomaniaque, et en fait mes influences principales, c'est toujours celle-là. C'est vraiment le déracinement, le fait de n'avoir plus de chez soi, d'être en mouvement, etc. Donc ça rejoint très bizarrement le silence de l'Exode sur ce point-là. Mais c'est vrai qu'au point de vue des arrangements, de l'instrumentation, on en est très loin. Par contre, effectivement, j'ai toujours adoré la nostalgie de la balade de cow-boy, parce qu'on a voilà ce cow-boy viril, le visage buriné par le soleil, avec le jean en grosse toile et le chapeau qui tout à coup sort la guitare et chante une chanson déchirante. Et là, voilà, derrière cette façade de gros dur, on retrouve cette émotion à fleur de peau qu'on a complètement dans la musique yiddish. Et moi, ma manière de jouer de la clarinette mélangée à une très grande connaissance de toute l'Americana, donc cette musique traditionnelle américaine, qu'a mon collègue Aurélien Nafrichou, qui est l'arrangeur de tout le recueil de Folk Songs for the Old Man, ça... Pour moi, voilà, on est allé chercher vraiment des deux côtés ce que j'aimais chez les deux, c'est-à-dire dans la balade yiddish et dans la balade de cow-boy, et on en a fait quelque chose, à mon avis, assez inédit et Inouï, qui est une balade yiddish de cow-boy. Deux actualités à ce propos pour nos auditeurs. En avant-première, le mardi 9 février 2016, donc vous serez non pas comme c'était initialement annoncé au Théâtre des Arts à Cergy, mais comme il y a bien succès déjà avant l'heure, le changement de lieu est annoncé pour le Théâtre des Louvrets à Pontoise, donc plus grand théâtre, et ça sera donc le 9 février 2016 à 20h30, et une date au Forum de Vauréal, lieu de concert bien identifié sur Cergy-Pontoise, le vendredi 12 février, avec cette fois-ci, comme vous venez de le dire, un concert commenté avec le guitariste Aurélien Nafrichou. Voilà. On vous retrouve très vite. D'ici là, eh bien, c'est prochainement, le 6 novembre, avec le Silence de l'Exode, à la Maison de Lille à Auvers-sur-Oise, dans le cadre de ce concert d'ouverture du Festival Jazz au Fil de l'Oise. Et on est impatient de vous retrouver sur notre antenne. Ben merci beaucoup, merci. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Venons-en à notre première pause musicale qui nous sera présentée par Virginia Pipas, l'une de nos invitées, qui nous propose de découvrir ou de redécouvrir un musicien très en vogue en ce moment, Ibrahim Maalouf. Oui, absolument, trompettiste génial qui en 1993 s'est rendu à Beyrouth et au moment où il a découvert le pays et l'état du pays, il écoutait du Led Zeppelin et entre la terreur du moment et cette musique-là, il a composé Beyrouth. Écoutons, partageons sur RGB. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Spectacle dedans, dehors, deuxième partie. On va en savoir davantage avec François Verrès qui est parmi nos invités aujourd'hui. Bonjour François Verrès. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Alors, spectacle à l'affiche pour les dates, ça donne le 5, le 6 et le 7 novembre prochain. C'est bientôt. Avec donc une poursuite de ce travail de résidence à la scène nationale de Cergy-Pontoise. On se souvient de votre précédent travail. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, bien sûr. Approchez-vous du micro. Oui, bien sûr qu'il y a un lien entre les travaux qui ont été menés et qui sont menés aujourd'hui. Et il est de s'interroger... Est-ce qu'il faut ajouter douloureusement, pas seulement, mais douloureusement, oui. Il faut s'interroger courageusement, certainement aussi, sur l'impossible qu'on est, j'allais dire, contraint de vivre, que nous vivons à notre insu, particulièrement ces derniers temps, puisqu'en fait, y a quelque chose d'impossible qui est partagé par tous quand on a notre... Alors, c'est le bégaiement. Notre relation, est-ce une relation? Notre à l'autre, est-ce qu'il s'agit de le qualifier migrant, réfugié, perdant, sans légitimité, sans statut, sans papier, sans rien, en fuite? Comment tous les mots là viennent forcément s'avérer vains? On pense à Beckett. On pense aussi que c'est pas innocent du tout que Virginia propose d'écouter ce geste musical en 93 au Liban, Ibrahim, qu'est-ce qu'il vit ? Terreur. Elle parle du mot terreur et ce morceau s'appellerait Déroute. Très très récemment, il y a une dizaine de jours, j'ai rencontré une grande artiste qui s'appelle Ariane Nouchkin, qui nous disait, nous étions nombreux autour d'elle pour l'écouter, nous disait qu'elle nous proposait de parler ensemble parce qu'elle sentait une guerre civile larvée ici et qu'elle avait peur. Et effectivement, ce qui se dessine est terrifiant. Terrifiant comme obligation pour nous de nous taire, comme obligation pour nous de vivre avec, comme impossibilité de prendre le temps d'inventer une autre manière d'appréhender les questions. Ça semble inéluctable ? Rien n'est inéluctable. Et justement, je trouve que ce qu'il y a de terrifiant dans le monde d'aujourd'hui, par endroits, et contre lequel on bataille à nos manières, c'est justement de laisser croire à beaucoup de gens, et particulièrement aux jeunes gens, qu'il y aurait une sorte de fatalité, d'inéluctable, et qu'il faudrait s'y faire. Et je trouve ça très dangereux, pour pas dire plus. Ça me met en colère. Je pense que la responsabilité qu'on a tous, elle ne peut pas entériner ça. On a des enfants. Je pense que la rencontre avec Virginia, elle s'est faite aussi sur cette partage d'un sens de nos responsabilités. Il y a des jeunes gens qui ont, pour ceux avec lesquels elle travaille tous les jours, entre 11, 12 ans et 16, 17, 18 ans. C'est donc, en gros, de près ou de loin, l'adolescence, c'est-à-dire un moment de la vie où tout est possible, où tout le champ des possibles doit rester ouvert, et qu'on doit, sans relâche, et surtout pas en disant à qui que ce soit, « Bah, faut t'y faire, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, t'as pas de chance, t'es une génération sacrifiée. Enfin, mon petit, c'est comme ça, écoute, tu nous emmerdes. » Parce que le discours est très, très court, il est terrifiant. Moi, je le qualifie volontiers de néo-fasciste. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a vraiment aussi, quand je dis ça, je pèse mes mots, c'est-à-dire, peut-on dire les choses comme on les pense ? Non, parce qu'on a peur. On a peur, donc on s'auto-censure. Mmh. On a peur aussi d'être censuré. Donc, à un moment, il faut élever le ton pour dire non. Les jeunes gens, ils ont le droit de savoir qu'il y a des horizons extraordinaires qui s'ouvrent à eux. Et que c'est entre leurs mains, parce qu'il faut qu'ils le souhaitent. Donc, on est responsable de leur transmettre le désir d'y aller, parce qu'il existe la possibilité d'y aller. Encore faut-il leur dire que c'est possible. Et ça, c'est notre responsabilité conjointe à Virginia, qui est enseignante, et à moi, qui est artiste. Et c'est pourquoi nous nous associons pour faire que ces jeunes gens nous rencontrent les artistes de l'équipe et aient à cœur de soulever des questions, d'en parler sans peur sans peur d'être jugé, sans peur de dire une bêtise même à l'occasion, et puis d'en revenir, de dire en fait je le dirai plus comme ça, j'ai appris quelque chose. Mais il faut donner confiance aux gens. Il faut leur donner confiance dans leurs énergies créatrices. Et à ces âges-là, tout s'emporte en eux, qui ne se sont pas éteints ou taris. Et donc, on est archi, archi responsable vis-à-vis de cette jeunesse. Je parlais de votre précédente création, je la cite, Rhapsodie démente, une pièce qui résistait à toute tentation de l'oubli, où vous donniez à rencontrer les fantômes du passé collectif. Est-ce à dire que le besoin de mémoire, comme on disait, le partage de mémoire, d'une mémoire collective, doit éclairer le présent et surtout le futur? Et en effet, aujourd'hui, on entend souvent parler de génération sacrifiée. C'est une expression qui s'est installée, comme s'il fallait faire avec. Et je suppose que votre travail, dedans, dehors, eh bien, veut démontrer qu'il ne faut surtout pas considérer que cette génération, aujourd'hui, y compris pour les années à venir, qu'il est question de sacrifice, mais bien de résistance par rapport à cette situation, non ? Oui, et il faudrait se donner les moyens de penser quelques outils pour résister. Et ces outils sont effectivement liés à un temps d'arrêt sur ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé ? Alors on va me dire, mais de quoi vous parlez ? Vous savez très bien de quoi je parle. Tout le monde a les fantômes des camps, tout le monde a les fantômes des génocides en lui. D'ailleurs, c'est au programme des classes de 3e. Entre autres, les guerres, les génocides. Pas seulement ça, l'immigration. C'est une vieille histoire, l'histoire des frontières. Qu'est-ce qu'une frontière ? Faut-il des frontières ? Quelles frontières ? L'Europe s'est constituée en effaçant certaines frontières. Il y a une délégation de souveraineté de la France à l'Europe sur certaines questions. La France a peur d'excéder quelque chose dans son droit de dire non, non, non, non, il y a des seuils à ne pas franchir au nom de ce qui s'est passé. Mmh. Déjà, nous avons appris certaines choses. Mais qu'est-ce que nous avons appris ? Donc, tout ça, c'est sans cesse que le présent va nous confronter aux mêmes questions, qui sont les questions universelles de l'art de vivre ensemble, de la possibilité qu'on se donne de ne pas être totalitaire, de ne pas être dans un absolu, d'avoir un sens de l'humain, de toujours nuancer, de toujours inviter, de toujours accueillir, tendre la main, donner la main, aider, soutenir, accompagner, etc., etc., etc. Oui, si on oublie tout. Oui, si on oublie la conférence d'Évian sur les migrants en 1938, c'est un détail, ça n'est pas qu'un détail. Elle ressemble étrangement à des conférences contemporaines aujourd'hui sur la même question. Et ça n'est pas simplement pour nous ramener à un moment du passé, c'est pour nous dire sans cesse, réveillons nos mémoires agissantes dans le présent, c'est-à-dire que nous avons appris des choses. Sinon, à quoi bon ? Encore une fois, pour ceux et celles qui survivent encore, il en est quelques-uns comme Marceline Loridan, Evans et d'autres, quelques-uns rares désormais, plus jamais ça. Quoi, plus jamais ça ? En même temps, vous savez, vous devez l'entendre, certains disent à l'inverse qu'il y a un trop-plein de revisiter l'histoire. Est-ce qu'on doit vivre sans cesse et en permanence avec nos démons et nos fantômes finalement de l'histoire pour se diriger vers un futur plus apaisé ? C'est un vrai questionnement qui est souvent, on entend régulièrement des commémorations mémorielles et là il y a des formes de concurrence entre les différentes mémoires. Quand on parle aux plus jeunes, les adolescents, j'ai un fils qui est adolescent, lui, régulièrement, pourtant, il a, me semble-t-il, plutôt une bonne éducation, un éveil sur le monde, et il me dit, bon, ça va, quoi, l'histoire, je suis gavé, quoi. Mais c'est pas une fin en soi de comment dire, venir écraser. Parce qu'on cherche à les culpabiliser parfois quand on revisite l'histoire avec ces adolescents. Mais il y a une grande, grande nuance, encore une fois, entre culpabiliser et responsabiliser. Donc la question de responsabiliser quelqu'un dans le temps présent qu'à partir du présent sans référence à ce qu'ont pu vivre parents et grands-parents, c'est un leurre. Que les jeunes gens aujourd'hui prennent une distance critique à ce que les générations qui les précèdent ont vécu, c'est vital, c'est archi-légitime. Mais le déni d'existence de ce qui s'est passé, c'est une tâche que nous pouvons essayer d'éviter de l'entériner comme fatal. Donc que des jeunes gens, que ce soit vos enfants ou les miens, nous disent hey, « Eh papa, ça va, tu nous l'as déjà raconté. » Ok, ça me met plus en question le fait de comment je lui raconte ça, et qu'est-ce que je lui raconte, et du coup, comment je réinterroge le présent à partir de certaines choses que je perçois se sont passées ou que je mets en questionnement. Donc il y a toute une maïeutique ou une sens pédagogique ou une finesse, et peut-être que justement c'est aussi l'enjeu du travail avec Virginia. On ne peut pas régler cette question seul. Il faut que les jeunes gens entendent plusieurs voix, qu'appréhendent le passé différemment pour pas être écrasés par soudain quelque chose qui va les mettre devant. Ben oui, mais bon, ben, je peux rien faire, on peut rien faire face à ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors bon, non, il faut dire comment justement tout ce qui s'est passé met en capacité d'inventer autre chose, autrement. Et il faut donner confiance sur leur capacité créatrice. Mais certainement pas en disant « oublie, oublie, oublie, oublie, fais page blanche, il ne s'est rien passé ». Non, s'ils inventent, c'est d'autant plus que ceux que vous appelez les fantômes, les spectres, ont été entendus, mais c'est jamais une affaire réglée pour une fois à jamais. On ne va pas les écouter pour dire hey, « maintenant c'est fait, on passe à autre chose ». Non, c'est que l'ayant fait, justement, ça nous engage. Ça nous engage à ce qu'ils soient avec nous et pas contre nous. Ni qu'on les relègue ailleurs sur la base de « ça aura servi une fois, puis maintenant on n'a rien à foutre, on est libre ». Ce putain de mot qui est complètement impensé aujourd'hui, sur la base de « il faudrait qu'il n'y ait pas de limite à notre ici et maintenant qui aspire à jouissance, plus jouissance, plus jouissance. » Et encore, et parce que, et encore, et l'autre, rien à foutre, moi, etc. Comment on enraye ça si ce n'est rappeler qu'il y a eu grands-parents, parents, bataille, des très très belles figures dans ce siècle, et pas que de la tragédie, des lumières à l'infini, des artistes, des poètes, des chercheurs, des écrivains, des hommes, des femmes, de toutes les cultures du monde. Et du coup, redonner des appuis imaginaires qui aideront à vivre dans le passé, qu'il n'y a pas que la part tragique, il y a eu infiniment de lucioles qui n'ont pas disparu, qui survivent, et je pense que c'est ça que Virginia comme moi avons à cœur de transmettre sans aucun déni. C'est le mot le plus terrifiant du contemporain, ça. C'est qu'il cultive sciemment ou pas, comme vous dites, en culpabilisant le retour, le regard sur le passé. Or, il est essentiel. Qu'est-ce que fait Daesh quand elle explose le site archéologique de Palmyre et le conservateur de 82 ans du même site? Qu'est-ce que font, on ne va pas faire la longue litanie, des aveuglements qui ont été tout autant chrétiens que musulmans dans les excès de ces religions, c'est-à-dire dans l'endroit où elles s'autorisent soudain de nier absolument l'autre, c'est-à-dire une singularité, une fragilité, un doute, un questionnement, un respect aussi de la foi de chacun et du fait que la foi, bah, c'est fragile, c'est pas un lieu de dogme, jamais, etc. Tout ceci, cette réflexion ayant, je suppose, nourri cette prochaine création qui sera donc à l'affiche à l'apostrophe, dedans, dehors, deux. On a souvent évoqué son prénom, Virginia Pipas, vous êtes, je le rappelle, professeur de lettres au Collège Voltaire de Sannois. Vous avez bien suivi et vous continuez de suivre les chantiers 2014-2018 de François Verret, notre invité. Quelle responsabilité, oserais-je dire, que ont les enseignants, vous en êtes une, par rapport à ce qui vient d'être dit, et comment faire cette transmission à vos élèves pour aussi en faire un objet de création théâtrale, puisqu'il s'agit de cela au final, la finalité de cette rencontre entre vous, professeur, et François Verret, artiste, citoyen, on l'a bien vu, au-delà de simplement l'artiste. Quand j'ai rencontré François, ce qui m'a marqué, c'est son engagement, sa force, son investissement et son discours constamment animé. Donc une énergie à l'œuvre. Je suis enseignante, j'ai affaire à mes élèves la journée, et je me suis dit que les textes avec lesquels je travaille devaient s'animer de la même façon. Donc entre les instructions officielles, l'évolution de la société, la rencontre avec François, j'ai trouvé qu'il n'y avait qu'un pas à faire, c'était de mettre en contact des jeunes qui viennent à l'école et qui ne savent plus trop pourquoi ils sont là, qui lisent des livres et qui ne savent plus trop ce qu'il y a dedans, parce que il y a un examen en troisième, il y a le bac, et finalement il faut bachoter pour avoir un diplôme et faire quelque chose de soi dans la société. J'avais envie qu'ils soient certains que chaque fois qu'ils ouvrent un livre, c'est un François Véret qui est en face. Voilà. Donc, quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui le dit avec ses mots, avec son verbe, et que certainement il y a mis aussi beaucoup d'énergie pour que ça vienne jusqu'à nous. Donc j'ai voulu faire revivre ça, évidemment, la chose qui m'a paru évidente. Et je remercie François de l'avoir proposé, parce que quand nous nous sommes rencontrés, il a dit, comme il dit beaucoup de choses très fortes, si des enseignants parmi vous veulent qu'on poursuive un travail ensemble, suite à un stage avec des enseignants et François, qu'ils viennent me voir et on mettra en place le projet. Et je vous assure que nous l'avons fait, et entre l'année dernière sur le spectacle « Rhapsodie des Mantes », et cette année sur le spectacle « Dedans, dehors », ce qui s'est produit avec les jeunes, qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils sont creux, qu'ils sont vides, ils sont ce qu'on en fait. Mmh. Donc ils interrogent plus les générations qui les encadrent qu'eux-mêmes. Alors là, vous parlez effectivement d'un travail au long cours qui a été, je crois, engagé en février 2015. Absolument. En ce qui vous concerne, dans la première rencontre avec François Véret, et étape par étape, vos élèves aussi, oui, ont abordé, ont rencontré, se sont familiarisés avec l'univers de François Véret. Ah, non seulement ils se sont familiarisés avec l'univers de François Véret, mais ils ont vu le processus de création de François en allant sur le plateau. C'est-à-dire, on n'arrive pas avec quelque chose de tout écrit. Donc la société, c'est quand même ça. On leur donne déjà tout mâché. Et ils doivent se mettre dans le moule. Ils ont vu qu'avec le processus de création de François, on arrivait avec des propositions, on les revoyait, on les corrigeait, on les évinçait, on en faisait d'autres. Et c'est autour de cette dynamique que les projets se construisent. Ça veut dire qu'en classe, moi je reproduis la même chose, ça veut dire qu'ils donnent des idées, ils doivent oser les communiquer, je les entends et ensemble on en fait quelque chose. Mmh. Ça veut dire qu'ils ne sont pas simplement spectateurs de cette aventure au long cours. Oh là là, oui, alors je vous rappelle que quand ils ont vu Rhapsodie des Mantes, je les avais prévenus, je leur avais dit, vous serez dans le noir, assis sur des fauteuils rouges, mais on viendra vous chercher. Ils sont sortis de là, je vous assure que les 50 qui étaient présents sont sortis ébranlés, à la suite de quoi je n'ai qu'à eu les faire écrire, et je vous assure que ce qu'ils ont écrit et que j'ai donné à lire à François Véret, on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'un adolescent de 14 ans soit capable de produire des écrits pareils. Et je n'ai pas un public favorisé. Mmh. On se l'entend dire. François. Oui. Mais ouais, parce que je trouve qu'elle pointe très très bien l'enjeu considérable et si simple, donner confiance à la subjectivité de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, et encourager très très simplement à ce que chacun dise ce qu'il ressent, l'exprime, invente sa langue, pose les questions. Et je dirais que c'est un rapport au temps, c'est un rapport de confiance, encore une fois, c'est peut-être le mot le plus flagrant, mais l'enjeu est considérable. Si quelqu'un a un peu trouvé son fil à plomb intérieur, si chacun est un peu, comment dire, honoré de dire ou de penser que ceci ou cela, mais que c'est entendu et très modestement, il fait partie d'un groupe, etc. Bah, c'est énorme ce que ça donne comme appui pour ensuite oser inventer un chemin singulier qui sera... ne fera pas le deuil de ses désirs les plus intimes. Donc elle essaie de révéler à chacun son droit et sa possibilité d'honorer les désirs qu'il, elle, porte en lui. Je trouve ça considérable, malgré, j'insiste parce qu'elle ne le dira pas, des tas d'astreintes de ce lieu dit d'éducation nationale qui, comme nos lieux dits des maisons d'art et de la culture, c'est pas du tout donné d'emblée qu'un enseignant ou un artiste puisse prendre le temps de partager les questions, les propositions qui émanent de chacun au plateau. Donc effectivement, moi-même, j'assume une responsabilité, mais c'est une équipe. Et c'est l'Homme des Lumières, ou c'est Charline Grand, actrice, ou c'est Natacha Kuznetsova, ou c'est l'Homme du Son, ou c'est le poète musicien Jean-Pierre Drouet, ou Marc Sens. C'est que pour les enfants, il faut que tous, tour à tour, puissent être, partenaires, ou dans l'écoute, ou dans répondre à des questions, ou bien dans essayer pour voir. Et alors, oui, il y a un champ de possibles immense qui s'ouvre. Donc, votre création est nourrie de ces échanges, de ces rencontres, comme les précédentes créations qui ont été présentées ici, à la fois nourrie par ces réflexions des habitants, par les élèves, les adolescents. Vous avez travaillé sur la question du dedans, du dehors, avec vos élèves. Absolument. Donc, et la transition, comment va se passer l'étape suivante? C'est-à-dire que là, il va y avoir la création prochainement, au mois de novembre, 5, 6 et 7 novembre prochain, à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy. Le travail sur le dedans, le dehors. Un adolescent, enfin, c'est flagrant. Le dedans, il y a toute sa vie extrêmement riche du haut de ses 12, 13, 14, 15 ans, et il y a ce qu'on attend de lui. Donc, il va se plier à des règles, à un fonctionnement familial, à un fonctionnement sociétal, et à un moment, il ne voudra pas jouer d'un instrument, mais on va l'envoyer en musique. Il voudra pratiquer un art, et on lui dira que ça ne sert à rien parce que vaut mieux faire des mathématiques ou autre chose. C'est-à-dire, ils sont confrontés constamment à des tensions entre ce qu'ils éprouvent et ce qu'on exige d'eux. Voilà. Et pour ma part, je dirais que c'est vraiment la question des frontières, le dedans, dehors. Qu'est-ce qui vient se poser là comme question, et est-elle opportune? Vous parliez du passage de spectateur à être acteur. Honnêtement, est-ce qu'il y a réellement un être au monde épanoui qui va être seulement à l'un de ces deux endroits? Non, c'est un va-et-vient entre être spectateur et être acteur, acteur de sa propre vie, mais spectateur aussi, c'est-à-dire qu'on se voit vivre des choses, il faut les remettre en question, il faut pouvoir s'interroger, s'autocritiquer modestement, c'est pas simplement... Donc ce dedans-dehors, il est à l'échelle de... Chacun, chacune, encore faut-il qu'il, elle, n'ait pas peur. C'est-à-dire qu'on ne dramatise pas le doute, qu'au contraire, la réinterrogation, le doute, la fragilité soient des vraies valeurs, partagées, reconnues, respectées. Et alors, on peut se dire que de quel dedans-dehors parle-t-on ? L'Europe, de quel dehors, de quel mur ? Parlons des murs, mais faut-il des murs, des lignes ? Faut-il des sentiments d'appartenance à... Honnêtement, aujourd'hui, j'ai rencontré un artiste de très grand talent, s'appelle Sylvain Crosvaux, qui me disait « C'est douloureux de n'appartenir à rien. Je me sens pas français, je me sens pas européen. » Il le disait mieux que ça, mais c'était poignant. C'était poignant de dire « J'ai un sentiment d'appartenance à quelle communauté ?» Celle qui, justement, saurait inventer un rapport sensible au dedans-dehors, et pas... en faire une tragédie, et pas en faire que tu es dehors, tu restes dehors, parce qu'ici on est dedans, on est entre nous, on est chez nous, et tu nous emmerdes. Ça se voit à toutes les échelles de la vie, à tout moment, sans parler des grandes tragédies dont nous sommes désormais hantés tous les jours. Et je pense que le corps enseignant, si c'est un corps, et ça veut dire qu'on est plusieurs, et le corps artistique, etc., nous pouvons nous allier et inventer des protocoles qui déjouent la répétition de toujours ces mêmes logiques. Dernière chose, parce que nous pourrions poursuivre, et on va poursuivre au cours de la saison et de votre résidence artistique ici à Cergy-Pontoise, à l'apostrophe, mais pour aujourd'hui, quelle forme ça va prendre pratiquement le 5, le 6 et le 7 novembre sur la scène? Ah, une forme poétique, parce qu'en fait, si on peut croire qu'il y a une issue, elle passe bien par l'invention d'une langue poétique, et dans poétique, trois points de suspension, chacun y mettra ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est une, on pourrait dire musicale, on pourrait dire sensible, on pourrait dire gratuit, on pourrait dire intérieur, on pourrait dire etc. Non, c'est une forme poétique, une forme musicale, une forme libre, une forme qui offre un espace-temps d'écoute, de partage, de réveil, de questions, d'humour, on l'espère aussi, de gravité, l'un n'empêchant pas l'autre. Poétique, je crois qu'il faut s'essayer d'appréhender qu'est-ce que c'est que cet espace poétique dont nous avons infiniment besoin dans un monde où règne la gouvernance par le nombre, qu'on soit de droite, de gauche, quelles que soient nos idéologies ou le pas d'idéologie, malgré tout, ce qui happe tout le monde, c'est d'avoir toujours à se justifier sur des échelles comptables qui ont à voir avec droit d'exister, pas droit d'exister, dans la case, hors la case, dans la ligne budgétaire, pas dans la ligne budgétaire, sert à quelque chose, sert à rien, etc. Et cette logique comptable, elle est mortifère. Donc, le 5, 6, 7, on essaie de la suspendre un temps. Le temps d'une écriture poétique gratuite. Ça sera à l'apostrophe, au Théâtre des Arts, Cergy Centre, avec une rencontre qui sera organisée avec l'équipe artistique après la représentation du 6 novembre. Merci François Verret, merci Virginia Pipas. Merci à vous. On ira suivre avec attention la poursuite, j'imagine, de ce projet. Absolument. Au niveau de vos élèves également. Il se poursuit en 2016. Et après peut-être certainement. Merci à vous deux. Pour suivre les aventures de François Verret, chantier 2014-2018, je vous propose de le retrouver sur son blog au www.chantier2014-2018.com. Chantier au pluriel 2014-2018 tout attaché.com. Suite de notre émission, c'est Elisabeth Boss qui va nous présenter la proposition musicale à suivre avant d'aborder la présentation de la saison spectacle jeune public, public jeune à l'apostrophe. Alors c'est une reprise d'un standard d'Elvis Presley, Now or Never, et c'est donc Rachid Taha avec Jeanne Hadid, qui est une jeune artiste française née à Reims en 80, une figure au niveau du jazz, puisqu'elle a fait ses premières armes avec Luba, entre autres. Et donc, maintenant, elle est plutôt tournée vers le rock et la pop. Et là, elle s'est associée pour cet opus qu'on retrouve dans l'album Zoom de Rachid Taha. Tomorrow mine will be too late. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Pour nous en parler, Elisabeth Boss, qui est secrétaire générale de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, mais également en charge de la programmation jeune public, public jeune. Alors c'est vrai que selon les endroits, certains s'excusent à parler du jeune public, et en même temps c'est un vrai public, le public jeune. Un vrai public, qu'est-ce que ça veut dire un vrai public? Pour nous en tout cas, la scène nationale, public jeune, jeune public ne font qu'un, c'est-à-dire qu'on choisit d'associer les deux termes, des jeunes gens en âge et en même temps des adultes qui découvriraient le spectacle vivant pour la première fois. Ça veut dire que quand on parle pareil du public jeune, selon les équipements, selon les structures, selon les institutions théâtrales ou culturelles, on peut commencer très tôt, très, très jeune, voire presque à la sortie de la crèche, voire même en crèche. Mais bien sûr, il y a des formes artistiques qui s'adressent aux tout petits, hein, aux, vraiment à la toute petite enfance. D'ailleurs, il y a un festival dans le Val-d'Oise porté par Agnès Desfosses, donc la compagnie ACTA, qui organise ça, où là, on a des œuvres petite, hein, avec une durée limitée, qui s'adresse aux très jeunes enfants, et ça va jusqu'à l'adolescence et l'adulte, avec une adresse singulière à chaque fois. Alors je suppose, comme pour le spectacle en général vivant pour tout public, pour les adultes, là il existe une foultitude de propositions, il faut faire son marché. Alors, j'aime pas ce terme de marché, pour reprendre un peu, pour faire écho aux propos de Virginia et de François tout à l'heure. C'est pas tant choisir parmi, ça peut arriver, mais c'est dès lors qu'on entre dans un arbitrage financier. Mais bien avant ça, c'est choisir du sens. Quel sens on donne au projet qu'on va mettre en partage et qu'on va proposer aux spectateurs de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise. Mmh. Alors, la saison a débuté par un spectacle qui nous offrait sa part d'effrayant merveilleux pour un peu secouer quelque part le jeune public, parce que on aime bien, quel que soit l'âge finalement, se retrouver à la frontière de deux émotions différentes. Là, l'effrayant merveilleux, ça parle, c'était avec La Belle au bois dormant de Jean-Michel Rabeu. Je crois que les enfants ont complètement été conquis. Alors les enfants, mais pas que. Enfants, les parents, les grands-parents, toutes générations confondues, puisqu'on a eu la chance d'avoir deux belles représentations en week-end, en dehors des séances scolaires. Donc là, oui, il y avait beaucoup d'effrayants, quelques cris, des petits moments de peur, mais c'est très bon la peur, il paraît, pour les enfants. Mmh. Et en même temps, beaucoup de bonheur, de joie et une partie folle de liberté et d'imaginaire qui leur était offerte. Mmh. Alors ça veut dire aussi que le spectacle en général doit se mettre à la portée, y compris, alors je sais pas, à la portée quand je dis ça, c'est être proche du jeune public, ou dans le rapport scène-salle, c'est la même chose qu'avec les adultes. Oh oui, alors il faudrait peut-être plutôt poser la question aux artistes plutôt que à celui qui programme. Si je devais exprimer un point de vue, je pense que dans le parti pris de la recherche de l'artiste ou de la manière dont il envisage son objet, je suis pas certaine que cette dimension-là fasse partie de la donne, mais elle peut faire partie d'un choix, d'un parti pris. On peut décider tout d'un coup que les spectateurs ne sont plus dans la salle mais sont sur le plateau, ou que la frontière est abolie entre l'espace de jeu et l'espace public. Ça peut faire partie d'un contenu artistique. Mais là, en l'occurrence, qu'on soit dans un rapport frontal ne change rien à la porosité entre les deux. Après, c'est la manière dont le comédien vient nous chercher, dont le texte s'adresse à nous, dont le metteur en scène dirige ses comédiens, les jeux de lumière, le décor, c'est tout ça en fait qui nous happe. Eh bah, on a vu la princesse qui était sous la couverture quand elle s'est fait piquer le doigt, et quand c'était très rigolo quand la grande méchante, elle était allée dans la marmite toute seule. Moi, j'ai bien aimé l'arbre, comment il est décoré, c'était bien. Oh bah, j'avais un peu peur au début, mais à la fin c'est bon, c'était bon. J'ai vu la sorcière et les feuilles des arbres, et aussi il y avait la princesse, il y avait le prince et une fée toute jaune. Le spectacle jeune public, est-ce que c'est seulement du divertissement ou c'est pareil, là ça peut interroger les questions de notre temps et pour se rapprocher effectivement de l'enfance, voire de l'adolescence, les préoccupations, les interrogations sur notre société, est-ce le cas aussi dans la programmation ? Bien évidemment. C'est-à-dire que d'une manière générale, les propositions sont faites pour que chacun des spectateurs présents puisse s'en saisir à un endroit qui lui correspond. Ça touche à l'intime de chacun de nous. Mais pour ressentir cette émotion-là, c'est vrai que l'intimité de la salle nous offre ça. Il n'y a pas nécessité d'avoir forcément tous les codes, forcément toutes les clés. Bien au contraire, c'est des espaces qui nous appartiennent et en même temps, c'est des endroits de questions. Ça n'apporte pas les réponses, parce que c'est pas l'endroit et c'est pas l'enjeu. Par contre, ça permet de se dire qu'on a le droit, qu'on peut, qu'il est bon de se poser des questions. Pour soi, pour l'autre, dans le regard qu'on a soi-même sur un objet, sur le fait d'aimer, de ne pas aimer, qu'est-ce que ça veut dire ? On ressent quelque chose, du dégoût, au contraire du désir, de la curiosité, on est ému. Qu'est-ce que c'est que tout ça, en fait ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Les formes de spectacle proposées pour cette saison, je crois qu'ils sont au nombre de 7 pour le jeune public, le public jeune, c'est du théâtre, c'est de la musique, c'est des performances, c'est de la danse. D'ailleurs, la prochaine actualité qui aura lieu au mois de décembre, c'est un spectacle de danse, une pièce chorégraphique pour deux danseuses, Stereoscopia, c'est bien ça, de Vincent Dupont. C'est ça, Stereoscopia. Alors là, Vincent Dupont, c'est un chorégraphe qui ne s'adresse pas spécifiquement au jeune public. Donc c'est un projet qui est qu'on pourrait qualifier d'objet chorégraphique et sensible pour deux danseuses, comme tu viens de le dire, et des spectateurs à partir de 9 ans, qui font eux-mêmes partie du processus et de l'objet. Chacun de nous, dans la salle, on a un casque sur les oreilles, et c'est une espèce de réponse entre deux espaces. L'espace stéréo, donc avec ses casques sur nos têtes, et puis en même temps l'espace scope, qui est défini en termes de scénographie par une frise basse sur l'ouverture du cadre du théâtre, qui nous donne à voir un même objet, on pourrait dire un même sujet, pour chacun des deux yeux. C'est le principe de la stéréoscopie. Et en fait, ça fait référence à un peintre florentin qui s'appelle Jacopo Chimenti à l'italienne. Voilà. Donc, qui est plutôt maniériste du 16e, 17e siècle. Mm-hmm. Et récemment, ont été trouvés deux dessins d'un même objet avec une représentation pour chacun des yeux de l'observateur. Voilà. Et donc, ça, c'était le début de la stéréoscopie qui a pris tout son sens avec la photographie beaucoup plus tard. Mais il est parti de là, Vincent Dupont, et il en a fait cet objet un peu atypique, mais qui est un objet d'expérimentation. C'est pas du tout de l'ordre de la narration. On éprouve et on participe physiquement à cet objet-là. C'est l'invitation à avoir une perception nouvelle sur les choses, c'est ça ? C'est ça. C'est éprouver par soi-même un espace d'écoute un peu différent sur ses propres sensations. Bon, c'est pour le mois de décembre prochain, jeudi 17, vendredi 18 décembre, 10h, 14h30 de représentation par jour, ainsi que le samedi 19 décembre à 17h. Ça se déroulera à l'apostrophe, Théâtre des Arts, Cergy Centre. On ne peut pas tout dévoiler le reste de la saison. On aura l'occasion d'en reparler pour notre prochaine émission au mois de novembre prochain sur l'antenne de RGB. Mais j'ai vu qu'il y a aussi de l'événementiel finalement dans la programmation jeune public. J'ai vu un spectacle avec, je crois, 80 musiciens, non, c'est pas ça ? Alors, 80, oui, tu fais référence à Roméo et Juliette. Oui. Oui, là, c'était à la création du groupe Grenade de Josette Baez. Là, on sera un petit peu moins, mais quand même, 22 danseurs au plateau. Ah oui, parce que là, j'étais impressionné. Mais on n'a pas pu accueillir l'orchestre. 80 danseurs ou l'inverse et 70 musiciens, donc c'était impressionnant. Donc, on s'en reparle. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone particulier pour la saison jeune public ou c'est les mêmes coordonnées pour Non, les mêmes coordonnées, le 01 34 20 14 14 pour la billetterie et puis le site de la maison, www.l'apostrophe.net. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Elisabeth Boss. Juste rappeler en effet que vous pouvez retrouver tous les spectacles dont il a été question au cours de cette émission sur le site de l'Apostrophe et tous les autres spectacles à venir pour cette nouvelle saison 2015-2016. Je rappelle le site, le www.l'apostrophe, tout attaché en un seul mot, l'apostrophe.net, et le téléphone, le 01 34 20 14 14. Remerciements donc à tous nos invités qui ont participé à cette émission, ainsi qu'à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer comme chaque mois cette émission. Remerciements à Damien Gissa pour la réalisation technique. Cette émission, animée par votre serviteur et animateur José Guérin, sera rediffusée cette semaine, samedi 17 octobre, de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, ainsi que sur Internet, à la bonne adresse, le www.radio-rgb.net, puis disponible à cette même adresse en podcast. Pour notre prochain rendez-vous de l'Apostrophe, l'émission, rendez-vous est donné pour le mercredi 11 novembre. Quelle drôle de date, me direz-vous. Eh bien, on sera là le 11 novembre de 19 à 20h. Et d'ici là, au plaisir de vous retrouver soit à l'Apostrophe, soit sur RGB, sur le 99.2 FM, soit aux deux endroits, comme il vous conviendra. À bientôt. L'Apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.